Jackson, c'est Kevin qu'on m'appelait. J'suis genre mec ton panette. Que les darons nous jugeaient que sur le paraître. Bref, j'm'en tapais toutes ces pavettes. Ces chaînes ignoraient tout de moi. Claire en pas m'avait tes jeux de la zombie quand j'avais 5 mois. Enfin, j'crois. J'suis le genre de tout bave colérique, toujours partant pour la polémique. Toujours chogo dès qu'y a du fric, négro. Mais mon seul hic, c'est que j'tape dans tout. Tu sais, à la DAF, on t'apprend rien de bon, juste des personnes si t'as pas de sous. À 6 piges, j'étais les parcs-maîtres. À 10 piges, j'étais les taf-maîtres. Et à 12, il a fallu que j'sorte des plaquettes. Après des fugues multiples et quelques rencontres futiles avec des flics boxeurs très peu cultivés. T'apprends vite à fermer ta gueule et à te faire tout petit. La juge pour enfant me disait, quand tu seras majeur, tu verras que quand tu fais une erreur, tu guéras. Putain, cette pute n'avait pas tort. À 18 piges, je me retrouve à rifler, je sais plus pourquoi. En tout cas, ce que je sais, c'est que je les aurais gagné. Glock, mort, stop, j'foque, l'heure, il me faudra drogue. Mentier, gérer ou zor. Marc survit sous les ponts dans les flammes. Faudra drogue. Glock, mort, stop, j'foque, l'heure, il me faudra drogue. Il me faut ma jeu plat, ma dos. Il faut ma drogue. Ma première peine de prison, c'était les doigts dans le nez, enfin la poudre dans le bif. Depuis, j'ai quelques nouvelles affaires à gérer. Tu sais ce qu'on dit en zombie, t'apprends tout ce que tu savais pas à la soda ou dans la rue. En tout cas, c'est ce que j'ai cru. Au début, ça tournait pas mal, jusqu'à ce que je me mette avec cette pute. Toutes mes solias, ils sont passés. Et mes cloisons nasales, je les ai décrassées. Ah, la rue, elle m'a tout fait. Et tu comprends que t'es dans la merde une fois que t'as plus rien à bouffer. Alors j'ai mendié pour payer mon fixe. J'ai sucé des tubs pour rester en vie. Aucun salaire. Quand t'es une loque humaine, c'est vraiment la galère. Les détaillants voulaient plus me chromer, mes anciens ex-potos plus m'épauler. Alors même eux, je les ai volés, ces bâtards. J'avais dans quelques cailles planqué leur meurtre. J'y suis allé, je m'en suis procuré une histoire, tout changer. Soudainement, je me suis rappelé que le médecin qu'en bas de chez toi est plein de choca. En plus, il doit avoir du produit, ça tombe bien, j'ai le sang vide. J'ai le sang vide. Glock, mort, stop, j'foque, l'heure, il me faut ma drogue. Mentier, gérer ou zor. Ma survie sous les ponts dans les flammes. Il me faut ma drogue. Glock, mort, stop, j'foque, l'heure, il me faut ma drogue. Il me faut ma jeu plat, ma dos. Il me faut ma drogue déterminée. Loin d'être lucide, j'étais prêt à le terminer. Ça c'était pas un souci, t'as vu. Pour sortir de cette chaîne de vie, j'étais prêt à tout. Ce putain d'état de mort m'a rendu fou. Tout est flou dans ma tête, j'tiens plus debout. Dans mon état, j'aurais pas de mal à me faire passer pour un malade. Alors bouge pas et couche-toi là. J'arrive devant la porte de Stockard, mis tout en rien m'ouvre. Et il s'est mis à chialer dès que j'ai armé mon chien. Allez, couche-toi et ferme ta gueule. Dis-moi où t'as mis le flouze. Donne-moi ta dope ou j'te bute, sale pute. Allez, ferme ta gueule. Mais quel drogue parlez-vous? Allez, ferme ta gueule, donne. Ouais. Donne, putain enculé de ta mère, donne! À cet instant-là, il a compris que c'était chaud pour sa gueule. Cette zamelle a tout fait pour que je m'en veuille. Mais non, donne-moi quelque chose ou je te descends. Trop de spill, coup est parti. Et c'est en prison que j'irai finir ma vie. Glock, mort, stop, j'foque, l'heure, il me faut ma drogue. Mentier, gérer ou zor. Marc survit sous les ponts dans les flammes. Il me faut ma drogue. Glock, mort, stop, j'foque. L'heure, il me faut ma drogue. Il me faut ma jeu plat, ma dos. Il me faut ma drogue.